La fenêtre ouverte, par Charles Caldwell Dobby. L'affaire s'est passée exactement comme je l'ai dit, répéta Ferney, en jetant le dépôt resté au fond de son verre de vin. Ses voisins de table regardèrent instinctivement dans la direction de la cuisine. Berthe rapportait du café. Ils suivirent tous l'exemple de Ferney et tendirent leurs verres vides les uns après les autres. Les pensionnaires habituels de l'Hôtel de France, à la façon de gens qui considèrent un repas comme une corvée à expédier au plus vite, étaient partis, mais les clients de passage s'alternaient encore à boire leur café noir et leur cognac, avec l'espoir qu'un événement extraordinaire allait peut-être se produire. Lorsque la voix de Ferney cessa de se faire entendre, un homme assis jusque-là dans le coin le plus reculé de la salle repoussa sa chaise avec bruit et se leva. Ferney leva les yeux. L'homme, un bossu, au lieu de payer son écho et de partir, traversa la salle et apostropha Ferney. « Je vois, mon jeune ami, que vous discutez de choses bien intéressantes avec vos amis. Serait-il indiscret de vous demander de quoi il s'agit ?» Ferney offrit une chaise au nouveau venu et celui-ci l'accepta. « Nullement. Nous discutions d'un meurtre et d'un suicide. L'homme qui était victime d'un meurtre était pêcheur italien qui logeait à l'hôtel des Alpes-Maritimes. Le suicidé était un musicien du nom de Soubarov. « Ah !» fit le bossu en faisant craquer ses doigts. « Pourquoi un meurtre et un suicide? Pourquoi pas deux meurtres ?»« Parce que, » rétorqua Ferney, d'un ton pompeux, « parce qu'il y a force preuve du contraire. » Ce Soubarov souffrait de névralgie. Le pêcheur italien avait pour habitude de jouer de l'accordéon à toutes les heures de la nuit. Soubarov était de plus un musicien, une personne d'une grande sensibilité. Le pêcheur jouait d'une façon abominable. Sa propriétaire elle-même le reconnaît. Bref, Soubarov tua délibérément ce paysan simple d'esprit à cause de sa musique. Puis, pris de remords, il se suicida. Je faisais partie du jury à la commission d'enquête du coroner. Je sais donc de quoi je parle. Oh, sans aucun doute, reconnut le bossu avec un aimable sourire. Mais si j'ai bonne mémoire, le couteau, dans les deux cas, était enfoncé jusqu'à la garde dans le dos de la victime. Ce n'est généralement pas ainsi que l'on se suicide. Ferney regarda d'un air froid le visage de son antagoniste, un visage empreint d'une étrange beauté. « Vous semblez en savoir plus long sur cette affaire que le jury du coroner ?»« En effet. »« Puisqu'un point aussi important ne figure pas dans les dépositions. »« Eh bien, mon bon monsieur, seriez-vous alors assez bon pour me dire qui donc a tué Soubarov, puisque vous ne reconnaissez pas qu'il soit mort de sa propre main ?» Le bossu fit de nouveau claquer ses doigts. « C'est fort simple. » Soubarov a été poignardé par le même individu que l'Italien. Et qui cela peut-il bien être, je vous prie? Le bossu se leva avec un sourire diabolique. Ah, si je vous le disais, vous en sauriez autant que moi. Et avec ces paroles, il se dirigea d'un pas calme vers le patron, posa sur le comptoir les 35 cents de son repas, et sans un mot de plus, quitta la salle. Un silence tomba sur le groupe. Chaque convive regardait droit devant soi, évitant de rencontrer le regard de son voisin. C'était comme s'il leur était arrivé quelque chose de trop terrifiant pour qu'on y fît allusion. Finalement, un homme d'aspect trapu, assis à la droite de Ferney, fit d'un air gêné. « Allons, il faut que je m'en aille. » Les autres se levèrent. Seul Ferney resta assis. « Quoi ? » questionna un autre. « Vous n'avez donc pas terminé ?»« Si, » répondit Ferney d'un air sombre, « mais je ne suis pas pressé. » Il resta là une heure, seul, la tête entre les mains. Berthe enleva les assiettes sales, et sur les tables recouvertes de toiles cirées, et commença à disposer les couteaux et les fourchettes en étain pour le prochain repas. Ferney sortit de son apathie et, levant les yeux, lui demanda « Dites-moi, comment s'appelle le bossu qui est venu s'asseoir avec nous? Habite-t-il ici, à San Francisco ?»« Flavio Minetti, » répondit-elle. « On raconte qu'il est complètement fou. »« Ah, voilà qui explique bien les choses, » s'écria Ferney. Il reprenait son assurance et sourit. « Je dois reconnaître qu'il est extrêmement fascinant. » Berthe lui lança un regard perçant et haussa les épaules. « Moi, j'en ai la chair de poule. Chaque fois que je le vois entrer. Quand je le serre, ma main tremble. Il passe son temps à faire craquer ses doigts et me dire « Eh bien, Berthe, que pourrais-je faire qui vous fasse sourire? Est-ce que vous ririez si je dansais pour vous? Je donnerais la moitié de ma vie pour vous voir rire. Pourquoi êtes-vous si triste? Non, je voudrais qu'il n'en revienne jamais. » N'empêche que j'aimerais le revoir encore une fois. Il vient toujours le jeudi, jour du poulet. Merci, dit Ferney en mettant son chapeau. Ferney retourna directement chez lui ce soir-là. il avait une chambre dans une vieille maison sise sur le versant est de Telegraph Hill. La pièce était minable, mais de là on apercevait un peu la baie. Et il y avait un poivrier noueux qui montait presque jusqu'à ses fenêtres et donnait à Ferney une bizarre impression d'éternel printemps. Même son propriétaire sortait de l'ordinaire. C'était un mendiant professionnel qui passait son temps accroupi sur le bord du trottoir avec un ridicule caniche et vendait des crayons rouges et verts. Son propriétaire était assis sur le pas de la porte lorsque Ferney entra. « Ah, Polito !» commença Ferney en s'arrêtant devant le vieillard. Il fit claquer ses doigts pour amuser le chien tapi devant son maître. « Je vois que vous profitez de cette belle soirée chaude. »« Vous vous trompez, » répondit le mendiant. « Je suis tout simplement assis à attendre que quelqu'un vienne louer ma chambre de devant. »« Alors elle est disponible, naturellement, » répondit le vieillard d'un ton bref et désagréable. Et Ferney se hâta de monter chez lui. « Pourquoi est-ce que je vis dans un endroit pareil ?» se demanda-t-il, examinant les quatre murs nus. « Tout y est abominable et ce mendiant de Polito est une fripouille. Je vais déménager. » Il traversa la pièce et ouvrit brusquement la fenêtre. Le poivrier se trouvait devant lui, ramassé sur lui-même, sous le clair de lune. Il pensa aussitôt à Flavio Minetti. « Il est comme cet arbre, » se dit-il tout haut, « beau même dans sa difformité. Non, je ne troquerai pas ce poivrier contre une douzaine des arbres les plus droits du monde. » Il s'éloigna de la fenêtre, et allumant une lampe, il la posa sur une table branlante en noyer. « Ah ! André Ferney, » médita-t-il d'un ton de reproche. « Tu es toujours attiré par ce qui est étrange. Tu devrais prier le ciel qu'une telle sottise ne cause pas un jour ta ruine. » André Ferney frissonna et soupira. « Oui, » répéta-t-il à maintes et maintes reprises, « ils sont semblables. Tous deux sont beaux et hideux en même temps, et ils ont d'étranges secrets. Eh bien, je retournerai au restaurant jeudi, et je le verrai peut-être. Qui sait, si je suis discret, il est possible qu'ils me disent qui a tué ce musicien ridicule, Souvarov. » Le jeudi suivant, quand Ferney entra, le soir, dans la salle à manger de l'Hôtel de France, son regard se posa immédiatement sur Flavio Minetti. À sa grande surprise, le bossu se leva, et en même temps qu'il tirait une chaise, fit signe à Ferney de venir s'asseoir à côté de lui. Ferney eut un instant d'hésitation, Berthe apportait alors la soupe. « Quoi ? Vous avez peur ? » lui dit-elle d'un air moqueur en passant. Ces paroles décidèrent Ferney. Il alla, sans plus de façon, s'asseoir près de Minetti. « Ah, je vous attendais !» s'écria le bossu avec amabilité. « Vous m'attendiez, moi ?» répliqua Ferney. Il avait beau essayer de parler avec désinvolture, sa voix tremblait. « Oui, les femmes ne sont pas les seuls animaux en ce monde qui soient doués de curiosité. Que prendrez-vous ? Un peu de vin ?» Ferney laissa Minetti lui remplir son verre. D'autres habitués commencèrent à entrer. Minetti tourna le dos à Ferney et se mit à parler avec un nouveau venu assis à sa gauche. Il n'échangea pas un mot de plus avec Ferney de toute la soirée. Ferney mangea et but en silence. « Pourquoi suis-je venu et pourquoi est-ce que je reste ?» ne cessait-il de se demander. « Cet homme se moque de moi. Pour commencer, il m'accueille comme si j'étais son meilleur ami, et l'instant d'après, il m'insulte ouvertement au vu de tout le monde. » « Henri Lethil n'en sait pas plus que moi sur la mort de Souvarov. » Il n'en demeura pas moins assis côte à côte avec le bossu pendant tout le repas, et lorsqu'on apporta les fruits sur la table, il toucha le bras de Minetti et lui demanda « Prendrez-vous un café-filtre avec moi ?»« Pas ici. Un peu plus tard. Je puis vous indiquer un endroit où ils savent vraiment le faire, et de plus, il y a des petites tables pour deux. C'est beaucoup plus intime. » Le cœur de Ferney bondit et se contracta presque en même temps. « Allons-y maintenant, » dit-il vivement. « Si vous voulez, » répliqua Minetti. Ferney paya les deux repas et ils prirent leur chapeau. « Où allez-vous ? » demanda Berthe en leur ouvrant la porte. Ferney haussa les épaules. « Je suis entre ses mains, » répondit-il, indiquant du coup de Minetti. « Tu y seras, serai certain, » murmura le bossu. Ferney l'entendit distinctement. « Je ferais peut-être mieux de le laisser pendant qu'il est encore temps. » Cette pensée traversa son esprit comme un éclair, mais l'instant d'après, il se morigénait. « Quel mal puis-je craindre de lui ? Quoi ? Son poignet n'est pas plus gros qu'une aile de poulet ?»« Bon, tu es idiot, André Ferney. » Le bossu, qui montrait le chemin, avança avec une nonchalance quasi orientale. Au bout du deuxième pâté de maison, il vira soudain dans un café. Ferney l'y suivit. Ils trouvèrent des places dans un coin éloigné, loin des tables de billard. Un garçon s'avança, ils passèrent leur commande. Et n'oubliez pas, recommanda Minetti au garçon, de mettre pas mal d'anisette et de cognac dans le café. L'homme donna un bas coup de torchon d'un air dédaigneux et ne répondit rien. Minetti tourna un visage moqueur vers Fernet. « Maintenant, que puis-je faire pour vous, mon ami ?» Fernet fut rempli de confusion. « Je vous... » bredouilla-t-il. « Vraiment, il n'y a rien. »« Allons donc, » interrompit Minetti. « Vous voulez savoir qui a tué Soubarov ?»« Mais je vous préviens, mon ami, c'est une chose terrible que de partager un tel secret avec moi. » Il regarda Fernet avec insistance. Le jeune homme frissonna. « Néanmoins, j'aimerais le savoir, » déclara Fernet d'une voix nette. « Eh bien alors, puisque vous paraissez si décidé, c'est moi qui l'ai tué. » Fernet ouvrit de grands yeux, regarda une fois de plus les petits poignets du bossu et se mit à rire. Oh, « Vous, me prenez-vous pour un idiot ?» Et se disant, il rejeta la tête en arrière et rit au point que même les joueurs de billard s'arrêtèrent de jouer et se retournèrent. « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» demanda le bossu, le sourcil froncé. Fernet s'arrêta. Il sentit un froid soudain l'envahir, comme si l'on venait d'ouvrir une porte. « Ce qui me fait rire, vous, » rétorqua-t-il. « J'en suis fâché, » dit Minetti d'un ton sec. « Pourquoi ?» Le bossu se pencha en avant d'un air confidentiel. « Parce que je tue quiconque rit de moi. C'est une petite faiblesse que j'ai. » Le garçon arriva, porteur des deux verres de café fumant. Il les posa sur la table avec une bouteille de cognac et une bouteille d'anisette. « Ah, voilà qui est bien !» s'écria le bossu en se frottant les mains. « Le patron est mon ami. Il va nous laisser préparer nous-mêmes notre poison. » Fernet se sentit frissonner. « Allons, pensa-t-il, ce n'est pas possible. Ou bien cet homme est fou, ou bien il plaisante. » Il tendit le bras vers la bouteille d'anisette. « Laissez-moi vous servir, » proposa Flavio à Minetti. « Votre main tremble tant que vous en renverseriez la moitié à côté. » Il y avait une nuance de pitié dans la voix du bossu. La main de Fernet laissa la bouteille. « N'ayez donc pas si peur, » continua Minetti. « Je ne vous tuerai pas ici. Le patron est un ami à moi, et de plus, je joue toujours franc jeu. Cela ajoute au plaisir de ce sport. » Cette nuit-là, Fernet n'arriva pas à dormir. Il était couché dans son lit et regardait les lumières clignotantes du port. « Il faut que je cesse de boire du café, » murmura-t-il pour lui-même. Finalement, il s'endormit et fit alors un rêve étrange. Il lui sembla que le poivrier qui poussait devant sa fenêtre se mettait soudain à trembler, agité par la brise nocturne, et que ses longues branches vertes s'animaient, se tordaient comme les tentacules toujours en alerte d'une pieuvre. Ses longues branches vertes, devenues vivantes, rampèrent sur le sol, se lancèrent dans les airs, se glissèrent par la fenêtre ouverte d'André Fernet. Il reposait sur son lit, dans l'attitude qui avait été la sienne quelques heures plus tôt, cette nuit-là, et le regard vers les lumières du port. Lentement, les branches vertes arrivèrent en se tortillant sur le tapis fané, escaladèrent la colonne du lit et tombèrent sur le lit lui-même. André Fernet, fasciné, demeurait immobile. Il sentit les tentacules verts se refermer sur ses jambes, lui serrer les mains et glisser, terrifiant, le long de sa gorge. Pourtant, il ne fit pas un mouvement pour se libérer. Ce ne fut qu'après avoir perçu un souffle sur sa joue qu'il se tourna légèrement. Et alors, au lieu des branches de l'arbre tentaculaire, il crut voir les mains de Flavio Minetti. Il se réveilla en sursaut. Le soleil entrait à flot par la fenêtre ouverte. Il se leva rapidement. Un vacarme se fit entendre dans le corridor. Fernet ouvrit sa porte. Deux hommes montaient une malle. Polito, le mendiant, fermait la marche. « Ah, je vois que vous avez loué la chambre du devant !» intervint Fernet sur le pas de sa porte. « Oui, » répondit l'autre, « elle était louée dès 6 heures du matin par un bossu. » Fernet cessa de respirer. « Un bossu ? S'appelle-t-il Flavio Minetti ? Oui, comment le savez-vous ? » Fernet essaya de sourire. « C'est un ami à moi, » répliqua-t-il en rentrant dans sa chambre. « Il vaudra peut-être mieux que je déménage, » pensa-t-il. « Je n'aime pas cette chambre. Du diable, si je sais pourquoi j'y suis resté si longtemps. Ce Minetti est-il vraiment fou ou se joue-t-il tout simplement de moi ? Je ne voudrais pas qu'il s'imaginât que j'ai peur de lui. » Quant à son histoire à propos de Soubarov, elle est évidemment ridicule. Si je n'en étais pas sûr, j'irais immédiatement trouver... Non, tout ça n'est que plaisanterie. Je resterai où je suis. Il ne sera pas dit qu'un petit bonhomme fou, tordu, a forcé André Fernet à déménager, par peur de lui. Et puis, il sera amusant de sourire de son petit jeu. Quelle matinée splendide, après tout. Et le poivrier, comme il scintille au soleil. cet arbre me manquerait si je déménageais. Mais il faut que je renonce au café-filtre. Cela m'énerve. Je ne sais pas si c'est le café ou le cognac ou l'anisette ou les trois. Naturellement, ce rêve que j'ai eu au petit matin ne veut rien dire, mais de tels rêves sont désagréables. J'ai horreur de cet endroit. Mais je ne déménagerai pas maintenant. Non, j'attendrai les événements. Fernet ne vit pas Minetti de plusieurs jours. Il avait complètement chassé l'incident de son esprit quand un soir, qu'il rentrait chez lui de bonne heure, il eut la surprise d'être arrêté dans l'escalier par le bossu. « Ah, vous voici !» lui cria Fernet gaiement, en dépit des battements précipités de son cœur. « J'attends votre visite, depuis que je sais que nous logeons sous le même toit. »« J'ai été très occupé, » répondit le bossu laconiquement. Fernet ouvrit toute grande la porte de sa chambre à coucher et fit signe au bossu d'entrer. « Occupé ?» répéta Fernand en craquant une allumette. « Et que faites-vous donc de si absorbant ?»« Vous connaissez ma spécialité, » répondit Minetti en enlevant son chapeau qu'il jeta loin de lui. Fernet le regarda avec intensité. Une expression diabolique avait passé sur le visage du bossu. « Oh, il n'y a aucun doute, il est tout à fait fou, » se dit Fernet. Puis tout haut. « Oui, je voulais reprendre le sujet avec vous. Asseyez-vous, je vais faire du café. Au fait, utilisez-vous toujours un couteau pour expédier vos... »« Rarement, » interrompit Minetti avec vivacité. Le poison lent a ses charmes. On éprouve une joie délicate à être le témoin d'un déclin graduel. C'est comme si l'on regardait une feuille verte se faner au souffle de l'automne. D'abord, elle est d'une pâleur maladive, puis elle devient jaune. Enfin, la sève tarit complètement. Un vent vif, un frémissement dans l'air, et tout est fini. J'ai essayé presque tous les moyens, effet lent, sauf le meurtre mental. Ceci, je crois, serait d'un raffinement. Un meurtre mental? Je ne comprends pas. Minetti s'étira et bâilla. Oui, je veux dire, accomplir la chose sans autre âme que l'esprit. Fernet prit la cafetière et se mit à rire. Eh bien, mon cher ami, c'est trop ridicule. La chose est impossible. Vous voyez, je ris encore de vous, mais cela n'a pas d'importance. Non, comme vous le remarquez, cela n'a pas d'importance. On ne meurt qu'une fois. Le rire de Fernet tomba instantanément. Il continua à préparer le café. Minetti changea le sujet de la conversation. Il se trouva qu'il n'y avait plus de sucre dans le sucrier fêlé. Fernet allait mettre son chapeau pour aller en chercher quand le bossu l'arrêta. « Pas besoin de sucre, » dit-il. Et tout en parlant, il tira de la poche de son gilet un flacon qu'il posa sur la table à côté des tasses. « Vous savez ce que c'est, naturellement. »« Des pastilles de saccharine ?» demanda-t-il en reposant son chapeau. Minetti répondit par un grognement. Fernet versa le café, mit une cuillère sur chaque soucoupe, posa trois petits pains sur une assiette bleue et s'assit. « Si vous permettez, » commença Minetti, qui prit le flacon et fit rouler une petite pastille dans la paume de sa main. Fernet tendit sa tasse. Le bossu laissa tomber la pastille. Ceci fait, il reboucha le flacon et le remit en place. « Vous avez oublié de vous servir, » lui dit Fernet. « C'est vrai, » répondit Minetti d'un air nonchalant. « Eh bien, peu importe. Je bois souvent mon café comme cela, sans le sucrer. » Fernet sursauta soudain. Était-il possible que... Le bossu le regardait avec un sourire ironique. Fernet frissonna. « Buvez votre café, » commanda Minetti, persifleur. « Vous êtes en train d'attraper un refroidissement. » Fernet obéit avec soumission. Il se sentait vraiment comme un animal pris au piège. Il essayait de rassembler ses esprits. « De quoi le bossu avait-il parlé ?»« Du poison lent, » murmura Fernet. « Vous parliez de poison lent. Comment vous y prenez-vous ? Oh, c'est très facile. Par exemple, il m'est arrivé à Londres de loger porte à porte avec ma victime. Nous devînmes bientôt grands amis, et il me demandait souvent de venir casser la croûte avec lui. Rien de bien compliqué, une brioche et une tasse de thé ou de café et un cake. Un peu comme nous faisons maintenant. Il est mort au bout de 6 mois. Ce n'est pas une affaire, voyez-vous, que d'empoisonner un homme qui mange et qui boit avec vous. Qui boit avec vous, surtout. » En disant ces mots, le bossu prit la cafetière et versa une autre tasse de café à Fernet. Puis il déboucha de nouveau le flacon et laissa tomber une pastille dans le liquide fumant. « Non merci, je n'en veux plus, » protesta Fernet. « Bon, vous tremblez comme une vieille femme paralytique. Le café chaud vous fera du bien. »« Non, » répéta désespérément Fernet, « je n'en bois jamais qu'une tasse. Cela m'empêche de dormir et le lendemain ma main tremble et je ne suis bon à rien. J'ai besoin d'avoir la main sûre dans mon métier. »« Et quel est donc votre métier ?» « Pour le moment, je suis dessinateur. Un jour, si je vis assez longtemps, j'espère être architecte. Si vous viviez assez longtemps, vous oubliez que vous avez ri de moi, mon ami. » Ferney essaya de prendre l'air indifférent. « Quel drôle de type vous faites » s'écria-t-il avec une gaieté soudaine en se frottant les mains. Et sans y penser, il prit sa tasse de café et en avala le contenu d'une seule lampée. Il reposa vivement la tasse. Il sentait la sueur lui perler au front. « Là, vous voyez ?» déclara Minetti. « Le café vous a déjà fait du bien. Vous transpirez, c'est bon signe. Une boisson chaude en temps opportun fait des merveilles. » Le lendemain matin, Polito arrêta Ferney au moment où il sortait de la maison pour aller à son travail. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'exclama le mendiant. « Pourquoi, quoi ?» demanda Ferney d'une voix tremblante. « Ai-je l'air si... Je vous en prie, dites-moi, ai-je quelque chose d'anormal ?»« Eh bien, votre figure. Vous vous êtes regardé dans la glace. Votre peau a une couleur de gâteau rassis. » Ferney essaya de rire. « Ce n'est rien. J'ai bu trop de café ces derniers temps. Il faut que je m'arrête d'en boire. » Il faisait une belle matinée. Le soleil brillait, et l'air vif était plein de petites brises murmurantes. La baie, comme un pan bleu vert, hérissait ses plumes dorées. La ville avait un air aimable, souriant, mais Ferney ne vibrait pas à l'unisson de tout ce joyeux épanouissement. Il avait passé une nuit abominable. Ce n'est pas qu'il n'avait pas dormi, mais son sommeil avait été entrecoupé de rêves troublants. Des rêves où figuraient Minetti et son ami de Londres, et le sucrier vide. Toute la nuit, il avait rêvé de ce sucrier vide. Il semblait qu'aussitôt qu'il l'avait rempli, Minetti, sournoisement, le revidait. Il essayait de cacher du sucre dans ses poches, mais quand il mettait sa main dans sa poche pour en sortir un morceau, une bonne vingtaine de pastilles allaient rouler sur le plancher. Il se rappelait avoir dit « Je vais aller voir le voisin londonien de Minetti, il aura peut-être du sucre. » Il avait parcouru des milles et des milles et était allé finalement frapper à une porte inconnue. Un homme, enveloppé jusqu'aux yeux dans un manteau noir, lui avait ouvert la porte. « Êtes-vous le voisin londonien de Flavio Minetti ?» avait-il demandé hardiment. La silhouette s'était inclinée. Ferney avait pris le sucrier fêlé qu'il serrait sous son bras. « Auriez-vous la bonté de me prêter un peu de sucre ?» lui avait-il demandé poliment. La silhouette au manteau noir s'était inclinée et avait disparu. Bientôt, elle revint. Ferney lui reprit le sucrier et fut frappé de sa légèreté. Il regarda ses mains. Le sucrier avait disparu. Dans la main, il n'avait qu'un flacon de verre. Il en enleva le bouchon. Une douzaine environ de pastilles rondes tombèrent. Il leva vivement les yeux vers le voisin londonien de Minetti. Un sourire effrayant brillait sous le manteau noir. Ferney poussa un cri et jeta violemment le flacon à la tête de son tortionnaire. L'ami londonien de Minetti laissa tomber son manteau noir et André Ferney découvrit que l'homme qu'il regardait, c'était lui-même. Il se réveilla peu après et vit qu'il faisait jour. Lorsqu'il se brossait les cheveux, sa main tremblait à tel point qu'il laissa tomber sa brosse à terre, et il avait renversé la crème destinée à son café du matin sur le bout de tapis fané devant la commode. Pour finir, il n'avait pas déjeuné du tout, mais il avait bu plusieurs verres d'eau froide. En repensant aux paroles de Polito, il se mit à trembler de plus en plus, comme un homme en proie à un accès de fièvre, et s'arrêtait sans cesse devant les glaces des magasins pour examiner un peu son visage. Polito avait raison, sa peau était mate et d'une couleur maladive. Il était évident qu'il ne pourrait pas travailler dans l'état où il se trouvait. Ses doigts tremblants pouvaient à peine tenir un crayon, encore moins le guider avec précision sur une planche à dessin. Il décida d'aller lire à la bibliothèque, mais les livres d'architecture qui en général le passionnaient ne purent retenir son attention distraite. En désespoir de cause, il alla trouver la bibliothécaire et lui demanda « Avez-vous des livres concernant les poisons ?» La femme lui jeta un regard froid, dénué de curiosité. Elle consulta un catalogue et lui fit une liste. Il resta toute la journée dans la bibliothèque à dévorer les livres que la bibliothécaire lui avait indiqués. Il ne sortit même pas pour les déjeuner. Il lut des exemples historiques et romanesques avec un intérêt vif, presque morbide. Mais quand il en arriva aux ouvrages médicaux, son cœur se mit à battre plus vite et il détailla, haletant, la succession des causes et des effets. À la nuit tombante, il était en possession de connaissances effarantes sur tous les poisons possibles et imaginables. Il n'ignorait rien de ce qu'on peut attendre de l'arsenic, de la strychnine et du vitriol. Il savait quels poisons détruisent les tissus, lesquels sont des narcotiques et quels autres des excitants. Il avait appris à identifier la ciguë, le marron d'Inde, les champignons vénéneux. Bref, il avait absorbé et retenu tout ce qui était à retenir sur le sujet. Le monde paraissait regorgé de poison. On ne pouvait être sûr de quoi que ce fût. On ne pouvait même pas se fier aux belles fleurs. Il était si bouleversé par toutes ces lectures que c'est à peine s'il put dîner. Il alla s'asseoir dans le misérable sous-sol d'une pension de troisième ordre, où il était sûr de n'être pas connu, et après deux ou trois cuillères de soupe et une bouchée de riz bouilli à la sauce tomate, il se leva, paya son repas et sortit flâner devant ses boutiques dont le luxe cria remplit Kearney Street. Il se dirigeait sans idée préconçue en direction de Market Street quand il sentit quelqu'un le tirer par la manche. Il se retourna. Minetti lui souriait. « Venez, lui dit le bossu. Qu'est-ce qui vous presse? Avez-vous déjà pris votre café? Je pensais que... » Fernet sentit son cœur se serrer aussitôt. Et pourtant, il parvint à lui répondre crânement. « J'ai renoncé à boire du café. Vous pouvez voir par vous-même quel abominable teint j'ai. Et aujourd'hui, c'est à peine si j'ai mangé. Bois, s'écria Minetti, une tasse de café vous fera du bien. » Fernet fit un pas en arrière, en proie à une fureur vaine. « Non !» protesta-t-il avec l'énergie du désespoir. « Non, vous dis-je, je ne boirai pas de café. Il est inutile que vous... » Minetti se mit à rire avec une bonne humeur nuancée de mépris. « Qu'est-ce qui vous prend ? » dit-il d'une voix traînante, fermant à demi les yeux. « Avez-vous peur ?» À ces mots, Fernet regarda instinctivement le poignet malingre, pas plus gros qu'une aile de poulet, et répondit hardiment. « Peur de quoi ? Je vous ai dit hier soir que j'avais besoin d'une main qui ne tremble pas dans mon métier, et aujourd'hui je n'ai pu faire aucun travail. » L'hilarité de Minetti se calma. Il se rangea aimablement à son point de vue. « Eh bien, peut-être avez-vous raison. Mais je dois dire que vous êtes peu sociable. Peut-être le café que vous avez bu n'était-il pas bien fait. Vous devriez prendre quelque chose. Vous avez vraiment mauvaise mine. Un verre de cognac ? Non ? Ah, je vois, un café turc. En avez-vous jamais bu ? Non, répondit Fernet à bout d'argument. Eh bien alors, lui annonça le bossu d'un air confidentiel, nous allons traverser et aller dans la troisième rue où nous prendrons un café turc. Je connais un café grec, où l'on peut avoir un café qui tenterait le sultan lui-même. Avez-vous jamais vu faire le café turc ? On se sert de café moulu fin comme de la poussière, une cuillerée de café par tasse et une cuillerée de sucre. On mélange le tout et on fait bouillir. Le résultat est inimaginable. Vraiment, vous allez vous régaler. Une pensée traversa l'esprit de Fernet. Si on le sucre en le faisant, au moins je n'ai pas à craindre cette histoire de pastille. Oui, répétait Minetti. Le résultat est tout à fait impossible à décrire et n'a absolument aucun mauvais effet. Et tout en disant ces mots, il glissa son bras sous celui de Fernet et le guida avec fermeté vers le café grec en question. Fernet se sentit soudain sans résistance et incapable de faire la moindre objection. Une serveuse prit leur commande. « Deux cafés, moyens, » répéta Minetti d'un ton décidé. « Et voulez-vous aussi quelques sucreries ? Ils vendent un caramel fait de graines de sésame et de miel. » « Où prenez-vous du loukoum ? Ils sont vraiment exquis. » Fernet se contenta d'hausser les épaules. Minetti commanda des loukoums. La serveuse essuya le dessus du marbre de la table et se dirigea vers le comptoir. « Alors, vous n'avez pu travailler aujourd'hui ?» commença Minetti d'un ton affable. « Qu'avez-vous fait pour passer le temps ?»« Je suis allé lire à la bibliothèque. Quelque chose de drôle, un roman français ou des livres sur les poisons ?» jeta Fernet d'un air de triomphe venimeux. « J'en sais plus qu'hier, comme c'est désolant, » fit Minetti d'un ton doucereux. « L'ignorance est plus invulnérable qu'on ne pense. Naturellement, on vous a dit le contraire, et pourtant la science, vous le savez, a été à l'origine de tous nos ennuis. Mais vous avez choisi un sujet passionnant. Un jour, quand nous nous connaîtrons mieux, je vous dirai tout ce que j'en connais. Le poison est chose subtile, il est partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans la nourriture que nous mangeons. Il est à la fois vif et lent, douloureux et stupéfiant, évident et défiant toute analyse. Il est comme une belle femme, ou une grande joie, ou l'amour lui-même. » Fernet leva vivement les yeux. Le bossu s'était laissé glisser en avant sur son siège, et ses yeux brillaient comme deux étangs ombragés aspirant avidement la lumière jaune du soleil de midi. Fernet frissonna. La serveuse revint avec des tasses de café fumant et de sucreries jaunes dans lesquelles étaient plantées deux minuscules fourchettes en argent. Elle posa le plateau. Minetti tendit une main avide vers son café, mais Fernet se renversa contre ce dossier et laissa la serveuse placer la deuxième tasse devant lui. Au moment où elle la posait, la table remua soudain, et la moitié du café se renversa sur le dessus de marbre de la table. Fernet se leva d'un bond pour éviter de recevoir le liquide bouillant. La serveuse s'excusa avec un petit cri. Minetti fit entendre un rire étrange. « Tout ça, c'est de ma faute !» s'écria le bossu. « Quelle stupidité, je vous en prie. Asseyez-vous, ma belle demoiselle. Voulez-vous donner à monsieur mon café et apportez-moi un autre ?»« Excusez-moi, » protesta Fernet. « Mais je m'y oppose. Je n'accepterai pas. » Et sur ces mots, il essaya de rendre à Minetti le café en question. Mais le bossu ne voulut rien savoir. Fernet se sentit baigné de sueur. « Il y a jeté du poison, » se disait-il, pris soudain de panique. « Autrement, pourquoi serait-il si désireux de me le faire boire ? Il a volontairement donné un coup de pied à la table, et sa tasse, pourquoi ne s'est-elle pas renversée ? Non, il avait préparé. C'est encore un tour de sa façon. « Allons, allons, mon ami !» interrompit Minetti d'un ton enjoué. « Buvez votre café pendant qu'il est chaud. Ne m'attendez pas, je n'attendrai pas longtemps le mien. Et goûtez ces sucreries, elles sont exquises. »« Je n'ai pas faim, » répondit Fernet d'un air maussade. « Non, quelle importance ! On n'a pas besoin d'avoir faim pour manger des loukoums et boire du café. Vraiment, vous êtes plus drôle que vous ne l'imaginez. » Minetti éclata d'un rire terrifiant. « Il croit que j'ai peur, » murmura Fernet. Et par bravade pure, il porta la tasse à ses lèvres. Minetti s'arrêta de rire, mais un large sourire remplaça sa gaieté diabolique. La serveuse apporta au bossu un nouveau café. Il le dégusta avec un plaisir évident, mais sans jamais détacher les yeux du pâle visage de Fernet. « Ma foi, se disait Fernet, ce n'est pas une tasse de poison de plus ou de moins qui me tuera. Ce serait autre chose, s'il avait décidé d'en finir tout de suite avec moi. Mais il compte sur les joies exquises d'une lente agonie. » Et il se rappela les paroles de Minetti. « C'est comme lorsqu'on regarde une feuille verte se faner au souffle de l'automne. D'abord, elle est d'une pâleur maladive, puis elle devient jaune, enfin la sève tarit complètement. Un vent vif, un frémissement dans l'air. » Il avala le café d'un trait, avec un air de défi. « Il me croit en son pouvoir. Mais André Fernet n'est pas tout à fait idiot. Je m'en irai demain. » Ils retournèrent chez eux aussitôt que Fernet eut fini son café. Fernet éprouva soudain des nausées. Lorsqu'il arriva chez lui, ses pas étaient chancelants et la tête lui tournait. Minetti était plein de sollicitude pour lui. « Laissez-moi vous aider à vous mettre au lit, » insista-t-il. « Vous avez dû prendre un refroidissement. Je vais tout de suite faire chauffer de l'eau pour vous faire un grog brûlant. » Fernet était trop malade pour protester. Minetti alluma le gaz, emplit d'eau la bouilloire et alla dans sa chambre chercher du gin. Fernet se déshabilla avec une peine infinie et se glissa entre les draps. Minetti revint. Fernet reposait, les yeux à demi fermés, claquant des dents. Enfin l'eau se mit à bouillir et le bossu apporta à Fernet une énorme timbale de grog où flottaient des morceaux de citron et des clous de girofle. Le tout avait si bon goût que Fernet oublia un instant sa terreur. Mais une fois le verre vide, il se sentit sans force. C'est à peine s'il pouvait lever les bras. Aussi resta-t-il étendu sur le dos, les yeux au plafond. Il essaya de se remémorer un peu de ses lectures de l'après-midi. Quel était le nom de ce poison qui paralyse ? Impossible de s'en souvenir. Il s'aperçut qu'il devenait toujours plus impotent. C'est à peine s'il était capable de se retourner dans son lit. Minetti lui fit un autre grog. Fernet ne pouvait tenir le verre. Il essaya de l'écarter de ses lèvres, mais ses efforts furent vains. Minetti était penché sur lui avec un sourire aimable, et Fernet sentit la boisson chaude lui tomber en un mince filet dans la bouche et descendre le long de sa gorge. C'est alors qu'il perdit connaissance. Une ou deux fois, au cours de la nuit, Fernet reprit conscience. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il voyait Minetti assis devant la fenêtre ouverte, regardant fixement le poivrier tordu. Une idée lui traversa l'esprit. Oui, ils se ressemblent tous les deux. Ils sont tous les deux à la fois beaux et hideux, et ils ont d'étranges secrets. C'est inutile. Il faut que je parte. Demain. Au matin, Minetti était debout à côté de son lit. « J'ai fait appeler le docteur, » dit-il. Mais sa voix lui parut venir de très loin. Le docteur vint un peu après 10 heures. C'était un petit vieux un peu ratatiné à l'air sentencieux. « C'est un charlatan, » pensa Fernet. « Il ne sait rien. »« Ah !» fit le docteur en mettant un doigt malicieux contre son nez pointu. « Notre ami que voici fait une crise nerveuse. Il lui faudrait une infirmière. »« Une infirmière ?» s'exclama Minetti. « Mais, et moi, ne croyez-vous pas que... » Eh bien, nous verrons, répondit le docteur qui se frottait les mains. Il aura besoin de toutes sortes de choses et... Minetti se mouillait les lèvres en proie à une satisfaction onctueuse. Il n'existe pas de plat que je ne sache cuisiner. Que diriez-vous d'une crème? Aujourd'hui, il faudrait manger quelque chose de léger. Une crème? Rien de plus facile, dit le bossu, qui fit craquer ses doigts. Minetti sortit avec le docteur et revint peu après avec des œufs, un flacon d'extrait de vanille et du sucre. Fernet était là, couché, incapable de rien faire, et le regardait s'affairer. Enfin, l'entremets fut prêt et mis à refroidir dans une cuvette d'eau. À midi, Minetti apporta au chevet du lit un bol bleu rempli de crème. Elle était appétissante, mais Fernet secoua la tête. Il mentit. « Je n'ai pas faim. » Le bossu posa le bol sur une chaise de sorte que Fernet put le contempler toute la journée. Le bossu ne quitta pas la pièce. Il resta assis devant la fenêtre ouverte à lire un gros livre. Vers la tombée de la nuit, Fernet lui demanda « Que trouvez-vous là de si intéressant ?» Minetti jeta un regard ironique à son malade. « Un livre qui traite des poisons. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais rouillé sur ce sujet. Ma foi, je ne savais plus grand-chose, tout juste assez pour empoisonner un mulot. » Il se leva et s'approcha du lit. « Vous sentez-vous en état de manger cette crème ?» Fernet jeta un regard de convoitise sur la crème jaune que contenait le bol bleu. « Non, pour vous dire la vérité, je n'en mange jamais, mais j'aimerais un verre d'eau. » Le bossu remplit un verre au robinet. Fernet le surveille avec des yeux de furet. « Au moins, se disait Fernet, il ne peut pas jeter à mon insu du poison dans l'eau. Il est heureux que je puisse suivre tous ses mouvements. Je n'aimerais pas mourir de soif. » Un peu plus tard, Minetti enleva le bol et en jeta le contenu. Fernet le regardait faire, les yeux à demi fermés. « Quelle meilleure preuve pourrais-je avoir, méditait-il, si la crème était sans danger, il la mangera lui-même. Il faut que je parte demain. » Mais le lendemain, il se sentit plus faible que jamais. Et quand le docteur vint, Minetti lui dit en réponse à ses questions. « Je lui ai fait une crème délicieuse hier et il l'a mangée tout entière. Une soupe aux huîtres, je la lui préparerai pour midi. »« Le ciel me vienne en aide, » murmura Fernet. « Pourquoi ment-il comme cela? Il faut que je me fasse entendre du docteur et lui dise de quoi il retourne. Je ne mangeai rien, rien. Dieu merci, je puis boire de l'eau sans crainte. » À midi, la soupe aux huîtres était prête, mais Fernet n'en voulut pas. « Les huîtres me rendent malade, » dit-il. Minetti se contenta de hausser les épaules, comme la veille, et plaça le mets savoureux sur une chaise près du lit. C'était pour Fernet un véritable supplice de tantale que de sentir les odeurs exquises qu'il exhalait, et il crut devenir fou d'envie. Le soir, Minetti jeta la soupe, et comme précédemment, quand vint le docteur, le bossu lui assura. « Il a bu un bon litre de soupe. Il y avait un tas d'huîtres dedans, je peux vous l'affirmer. » « Croyez-vous qu'un poulet frit à l'huile d'olive serait une nourriture trop riche ?» Fernet gémit. « C'est horrible, horrible !» se lamenta-t-il dans son fort intérieur. « Je vais mourir comme un rat affamé qui voit un fromage pendu à peine hors de sa portée. Que Dieu m'aide à sortir de ma torpeur. Sûrement les effets du poison qu'il m'a donné vont disparaître. Le voici encore en train de lire dans ce gros livre. Il essaie peut-être de trouver un moyen de mettre du poison dans mon eau, quoique je puisse le surveiller. » Pendant qu'il fait couler le robinet. Du poison partout. On peut même en administrer en vous piquant avec une aiguille. Pourquoi je fais toutes ces lectures? Du poulet frit à l'huile d'olive, quelle torture! Le poulet frit à l'huile d'olive était fort réussi. Fernet le comprit aux odeurs appétissantes qui lui parvenaient de la cocotte où il mijotait. Minetti fit de grands préparatifs. Il enduisit toute la chair tendre d'ail et la saupoudra de sel et de poivre. Et il mit le quart d'une bouteille d'huile d'olive dorée dans la cocotte. Quand tout fut prêt, le poulet cuit à point, Minetti l'apporta à Fernet en grande cérémonie. Fernet grinça des dents et détourna le visage. Il n'eut pas le courage d'inventer une excuse. Minetti le posa sur la chaise comme d'habitude. Pendant 2 heures, Fernet fut torturé par la vue de ce morceau tenton, mais au bruit des pas du docteur dans l'escalier, le bossu fit disparaître le poulet. « Son appétit ?» fit Minetti en écho à la question du docteur. « Eh bien, on ne pourrait souhaiter mieux. Pas plus tard que ce matin, il a dévoré un poulet. La vérité, c'est qu'il a tout le temps faim. « Bien, bien, » apprécia le docteur tout joyeux. « C'est le meilleur des signes, et cela arrive souvent dans les affections nerveuses. Vous êtes une infirmière hors pair, mon ami. » À ce moment-là, Minetti fut appelé en bas par le propriétaire. Fernet fit des efforts pour se soulever. Le docteur se pencha vers lui. « Ce bossu, » dit Ferney haletant. Essaie de m'empoisonner. J'ai déjà bu 4 ou 5 de ces mélanges, et c'est pour cela que je suis dans cet état, incapable de rien faire. Et il ment quand il dit que j'ai mangé. Je n'ai rien touché depuis 3 jours. Le docteur recoucha le malade sur son oreiller. Vous empoisonnez, mon ami, et pour quelle raison? Parce que j'ai ri de lui. Pour l'amour du ciel, docteur, ne riez surtout pas en sa présence, ou... Le docteur tapota la main de Ferney, le reborda. À ce moment-là, Minetti revint. Le docteur et le bossu s'entretinrent tout bas ensemble, à l'écart. Minetti rit et se frappa la tête de la main. À la porte, Ferney entendit le docteur dire « Continuez vos bons traitements, et l'idée lui passera. C'est assez courant dans les maladies de ce genre. Je n'en reviendrai pas avant la semaine prochaine, à moins que... » Ferney gémit tout haut. « Il faut que je m'en aille demain. Il faut que je m'en aille demain. » ne cessait-il de répéter. À la fin de la semaine, les odeurs de nourriture ne tentaient plus Ferney. Minetti cessa de faire la cuisine, et quand il lui faisait couler un verre d'eau du robinet, Ferney avait de la difficulté à le surveiller du regard. « Quand ma vue m'abandonnera, » se disait Ferney confusément, « ou bien je mourrai de soif, ou bien j'en supporterai les conséquences. » Lorsque le docteur vint enfin, Ferney fit mine de dormir. « Il semble avoir maigri, » remarqua le docteur, comme s'il faisait une découverte sensationnelle. « Eh bien, pour dire la vérité, » répondit le bossu, « il a perdu son appétit. Je lui ai donné des œufs, du lait, mais... » « Il n'y a rien à faire que de s'armer de patience, » conseilla le docteur. « Les médicaments ne lui feraient aucun bien. Il lui faut du repos et manger. Même un léger jeûne ne lui fera pas de mal. Les gens mangent trop. » À ces mots, Ferney ouvrit les yeux, éclata d'un rire qui surprit même Minetti. Le docteur parut vexé. « Eh bien, il est entre vos mains, » dit le vieux charlatan, d'un air pompeux, au bossu. « Continuez vos bons soins. » Ferney rit pour la deuxième fois. « C'est une crise de nerfs, » déclara le docteur d'un air de sagesse suprême. « Cela arrive souvent dans ce genre de maladie. » Et il sortit, très solennel. « Ah, je l'ai vexé, » pensa Ferney. « Eh bien maintenant, ils vont m'achever ensemble. » Alors suivirent des journées de faiblesse exquise. Ferney reposait la plupart du temps dans la félicité de visions bleues argentées. On aurait dit que des années passaient. Il construisit une brillante cité, reçut les hommages de rois, s'adonna aux joies dispersées par des beautés aux lèvres sensuelles. Il avait des intervalles de lucidité où s'inscrivait la présence démoniaque de Minetti et les visites inutiles du docteur. Mais ces intervalles étaient comme des moments de veille entre l'obscurité et l'aube, remplis de la joie à demi consciente qu'éprouve le dormeur qui sait qu'il peut encore jouir d'un long moment de répit. À ces moments-là, Ferney remue un peu et pensait « Il faut que je m'en aille demain ». Et presque aussitôt, il ressentait une extase languissante à l'idée que demain appartenait à un futur lointain et intangible qui ne viendrait jamais. Parfois, le bossu ressemblait étrangement à un geôlier sans cœur, qui, s'il le voulait, pourrait ouvrir la porte, conduisant à une aventure merveilleuse. Peu à peu, cette idée devint une idée fixe, absorbante. La vue de Ferney se brouilla tant et si bien que la présence de Minetti ne lui fut plus sensible que par Louis. Il fit cliquer quelque chose. Se répétait Ferney faiblement. « Ah, cela doit être ses clés. Il cherche celle qui va me libérer. Non, il graisse la serrure. Il a refermé la porte. Je vais être retenu ici un peu plus longtemps. Je suis un oiseau en cage, et juste au-delà se trouve le poivrier. Il doit briller maintenant au soleil. Eh bien qu'il ferme la porte à clé, pour le bien que ça lui fera. La fenêtre n'est-elle pas toujours ouverte? Quand le moment viendra, je m'envolerai par la fenêtre et je le laisserai ici, seul. » Alors on verra à qui l'affaire aura profité. Et toutes les visions bleues argentées lui revenaient, pour être interrompues un court instant par l'arrivée du docteur à l'air ratatiné. « C'est lui qui m'oblige à rester ici, » se disait Ferney en lui-même. « Sans lui, je m'envolerai, pour toujours. Eh bien, sous peu, il va perdre son pouvoir. » Un jour, un inconnu vint à son chevet. Minetti était là aussi, et le médecin marron. L'inconnu tira les couvertures, posa l'oreille sur le cœur palpitant de Ferney, se livra à quelques autres opérations sans intérêt. Pour finir, il rabattit les couvertures, et ce faisant, il hochait la tête. Il parla doucement, mais Ferney l'entendit parfaitement. « Trop tard, vous auriez dû m'appeler plus tôt. Il veut mourir, il n'y a rien à faire. » « Oui, oui, cela se produit souvent dans les affections nerveuses. J'ai fait de mon mieux, je lui ai donné à manger et à boire. Je l'ai même fait jeûner, mais rien ne semble lui faire du bien. Non, fit l'inconnu. C'est son esprit. Il s'était résolu à... Vous ne pouvez rien faire avec un homme qui... Ferney ferma les yeux. Un homme, il croit que je suis un homme. Quelle stupidité! Ne voit-il non pas que je suis un oiseau? Ils sont partis. Il referme la porte à clé. J'entends le cliquetis des clés. Eh bien, qu'ils ferment la porte à clé si ça leur fait plaisir. La fenêtre est ouverte, et cette nuit... Le bruit des pas des visiteurs s'éloigna. Un gloussement parvint aux oreilles d'André Ferney, avec le bruit de deux poings frappant des lyres sur une table. La voix de Flavio Minetti tremblait de triomphe dans la pièce, comme le murmure brûlant d'un vent désertique. Sans autre arme que l'esprit. Ferney tourna son visage contre le mur. C'est lui qui rit de moi maintenant. Eh bien, qu'il rit pendant qu'il est encore temps. La fenêtre est bien ouverte. Demain, je serai libre. Et lui? Non, il ne peut pas voler, lui. Il a une aile brisée. La fenêtre est ouverte, André Ferney. Ainsi s'achève La fenêtre ouverte par Charles Caldwell-Dobie.